mais à bannir à tierce lieu. Moi je me fous de tierce lieu et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire lécher avec dame. J'aimerais simplement faire lécher avec dame. Bien sûr, moi je pourrais lui dire que je ne vis que par son sourire, que ses yeux sont de tous les plus beaux. Moi je veux pas faire du chien à des gars. Moi je veux pas faire. D'aucuns diront on ne peut pas parler à Cupidon comme ça. Moi je veux me faire lécher avec un, moi je veux me faire lécher avec un.